Tout d'abord, je vais bénir ma capacité de respiration. Je vais maintenant l'investir de présence. Je bénis maintenant l'oxygène que je vais inspirer et aussi le gaz carbonique que je vais expirer. Je bénis les molécules qui me traversent. J'investis de lumière, l'air qui rentre en moi et aussi l'air qui sort de moi. Dans les prochains instants, je vais être présent à ma respiration, être attentif à elle. Je me permets de lui donner de l'importance parce qu'elle est fondamentale pour la vie de mon corps physique. Donc, je bénis ma capacité à respirer, à m'alimenter adéquatement d'oxygène. Par la suite, je bénis plus particulièrement l'air qui entre dans mes narines pour l'investir consciemment de vitalité. Je bénis à présent l'air dans mes poumons et les alvéoles qui composent mes poumons. Maintenant, je vais bénir l'air que j'expulse par la bouche. Je bénis cet air pour qu'il soit un air chargé d'énergie aétrique, c'est-à-dire de l'énergie de ce que je suis dans ma globalité, soit un air qui est chargé de ma vibration. Je bénis ensuite les hémisphères de mon cerveau pour qu'il soit harmonisé, qu'il soit capable de fonctionner dans l'unité de ma conscience. Je bénis maintenant ma capacité de concentration. Je bénis aussi ma capacité de mémorisation des informations que je désire pour l'amplifier. Je bénis également ma capacité de régénération de mon cerveau pour qu'il soit en santé, pour qu'il soit efficace pour traiter l'information. Pour qu'il soit un réceptacle adéquat de la pensée créative. Pour qu'il soit capable de capter l'intelligence cosmique. Je bénis la capacité de mon cerveau d'être en bonne santé. Ensuite, je vais bénir le fonctionnement de mes yeux. Pour qu'ils fonctionnent d'une manière adéquate. Pour qu'ils me permettent autant de voir ce qui est près de moi que loin de moi. Je bénis maintenant ma bouche, ma dentition, pour qu'elle soit saine. Je bénis ma bonne santé dentaire. Je bénis à présent ma capacité de parole. Pour être capable d'avoir une parole qui est chargé d'énergie. Une parole qui est capable d'émettre de l'énergie. D'être plus particulièrement l'expression d'une énergie régénératrice. Soit d'une vibration vitalisante. Je bénis ma capacité de parole pour qu'elle soit l'articulation d'une conscience qui est propice au renouvellement et à la santé intégrale. Je bénis maintenant mes poumons à chaque fois qu'il inspire et qu'il expire. Ou qu'ils peuvent m'alimenter adéquatement d'énergie, d'oxygène. Je bénis maintenant à la fois les neurones qui se trouvent dans mon cerveau, mais aussi dans mon cœur. Je bénis mon intelligence cardiaque, donc l'intelligence du cœur. Je bénis ma capacité à harmoniser mes émotions, et également ma dimension intellectuelle, à l'énergie de mon être en globalité, de manière à ce qu'il y ait une harmonie dans le fonctionnement de mon être en totalité. Autrement dit, je bénis ma capacité à œuvrer à partir d'une conscience unitaire. Je bénis l'ordre harmonique que je peux me donner à vivre. Je bénis maintenant ma capacité de me retrouver dans un état tel qu'il ne saurait être amélioré. Donc, je bénis ma capacité d'être bien dans ma peau, bien en relation avec l'activité de ma conscience intellectuelle et aussi émotionnelle. Je bénis aussi la capacité de mon cœur, en plus d'être en harmonie avec mon être en globalité, bien, aussi, naturellement, simultanément, l'harmonisation de chacun des organes qui composent mon corps physique avec ma conscience multidimensionnelle et en relation avec ma volonté de vivre longuement en santé et avec un usage optimal de l'ensemble de mes capacités physiques. Je bénis ma capacité de transmutation des énergies dissonantes auxquelles je peux être exposé dans mon environnement de manière à modifier leur statut vibratoire de sorte que lorsqu'elles entrent en contact avec moi, je ne sois pas indisposé par elles. Sinon, je bénis le bon fonctionnement de mon cœur, des éléments qui le composent. Je procède maintenant à un balayage psychique de l'organe cardiaque, qui est un organe vital pour un être humain sur le plan physique. En faisant un balayage psychique du cœur, je visualise en parcourant cet organe que je me promène à l'intérieur des conduits qui le composent, où va circuler le sang. Donc, je visualise qu'il y a une circulation d'énergie en relation avec les veines, les artères qui sont reliées au cœur, de manière que j'ai investi tous simultanément et maintenant de vitalité, d'énergie, de santé. Ensuite, je visualise le fonctionnement adéquat des reins comme élément filtrateur des aliments que j'absorbe. D'ailleurs, je bénis tout ce qui peut rentrer par ma bouche, que ce soit des liquides, des solides, de manière à ce que ces éléments, lorsqu'ils entrent en moi, soient chargés d'une énergie vitalisante. Je bénis ensuite le fonctionnement adéquat de ma vessie, aussi de mes intestins. Je visualise maintenant qu'en utilisant ma conscience, je vais parcourir le circuit qui passe par la bouche et qui se rend à l'anus, que va emprunter les aliments de nature physique que je vais manger. Donc, je visualise qu'à travers ce parcours qui s'échelonne sur une bonne distance, eh bien, circule de la lumière, de l'énergie qui est propice à la restauration, advenant que ce soit nécessaire, du trajet qui est emprunté par la nourriture, que ce soit en ce qui concerne les intestins, ensuite les sous-catégories aussi, comme par exemple le gros intestin, le petit intestin, et ainsi de suite. Je visualise le fonctionnement optimal de ce circuit de sorte que tout se déroule d'une manière adéquate. Je bénis maintenant le fonctionnement optimal de mon organe sexuel. Je l'investis autant de vitalité que mes autres organes qui se rapportent à mon corps physique. Je bénis à présent mes épaules. Je bénis la zone où se trouvent mes biceps, triceps, mes coudes, mes avant-bras, mes mains et plus particulièrement mes doigts. Je visualise que du haut de la tête circule un courant d'énergie revitalisant qui va parcourir mes bras et que le terminal de ce circuit énergétique qui circule dans mes deux bras simultanément, eh bien, c'est mes doigts. Je les visualise maintenant comme étant des lieux de rayonnement d'énergie qui vont se diffuser dans l'environnement ambiant. Je visualise que lorsque je prends des choses avec les mains, eh bien, je vais les charger d'énergie. Je visualise que si, par exemple, je fais un massage à quelqu'un, eh bien, mes mains vont émaner d'une énergie qui va pouvoir se diffuser dans la personne et aller où elle en a le plus besoin, advenant le cas, de manière à favoriser sa santé, sa restauration énergétique. Je visualise que mes mains, de par le toucher, sont capables d'émaner une énergie qui est propice au bien-être, au même titre que l'énergie qui peut être véhiculée par ma parole à travers des mots en ce sens. Ensuite, je visualise de l'énergie qui part de ma tête, qui descend le long de ma colonne vertébrale, qui favorise la santé cellulaire de mes os, de chacune de mes vertèbres aussi simultanément. Et ensuite, je visualise que cette énergie va descendre à travers mes jambes, à travers mes cuisses, mes genoux, mes tibias, mes mollets et également mes pieds, et que cette énergie va rayonner à travers mes orteils. Je visualise que cette énergie sert à m'enraciner dans la réalité physique. Tout en visualisant simultanément que l'énergie me permet d'être en contact en même temps avec le plan psychique, ce que certains appellent le plan éthérique, de manière à être capable d'être en équilibre entre la dimension physique et aussi la dimension psychique qui est par-delà le manifeste. Donc, je bénis ma capacité à être simultanément en contact avec le non manifeste, ce que certains vont appeler le plan nouménal, et aussi à être en contact avec le plan phénoménal. Je bénis ma capacité à être sur tous les plans simultanément, donc de vivre avec une conscience multidimensionnelle. Par la suite, après avoir passé en revue différentes zones qui se rapportent à mon corps, que ce soit le cœur, ensuite les poumons, les bras, les jambes, eh bien, je visualise que l'ensemble de mon corps physique baigne dans un état propice à la santé, qu'il soit qu'il y a de l'énergie qui circule partout, autant à travers mes poumons, mes reins, mon foie, aussi ma rate. Donc, je bénis les différentes zones qui composent mon corps en visualisant un peu à l'image d'un ballon que tous les éléments qui se rapportent à mon corps physique sont englobés de lumière. De lumière qui le pénètre présentement. De lumière qui fait un travail de restauration silencieux, mais efficace. Je bénis ma capacité à ressentir la densité de mon être, c'est-à-dire la dimension de moi-même sur le plan multidimensionnel, maintenant. Je bénis ma capacité à capter la puissance de sa vibration dans un état de vide plein, de silence porteur de vitalité. Je bénis maintenant le lieu où, avec mon corps physique, je passe l'essentiel de mon temps, c'est-à-dire mon lieu de vie, ma résidence, de manière à l'investir de lumière. De manière à programmer l'éther du lieu, c'est-à-dire cet environnement, de manière à ce qu'il soit propice à ma santé. Je fais maintenant un balayage psychique des différentes pièces qui composent mon lieu de vie pour les investir de lumière. Que ce soit le salon, que ce soit la chambre, la cuisine, la toilette, j'investis tous ces lieux d'énergie régénératrice, de manière à ce que lorsque je franchis ces lieux et que je m'y trouve, eh bien, je sois automatiquement rechargé d'énergie. Je bénis maintenant ma sécurité routière, lorsque je me déplace sur la route, et également ma sécurité en tout lieu où je peux me trouver et fréquenter. Je bénis ma capacité d'être en sécurité lors de mes déplacements qui durent longtemps, par exemple lors de voyages. Je bénis ma capacité à être bien dans ma peau, peu importe l'endroit où je me trouve. Plus précisément, je vais bénir mon harmonie avec moi-même. Je bénis plus particulièrement aussi l'inspiration que je peux recevoir du cosmos de manière à procéder à travers la parole à des bénédictions qui soient de plus en plus ajustées au fil du temps, de sorte qu'elles peuvent servir à répondre à mes besoins. Je vais bénir maintenant mon intelligence sur le plan financier, de manière à être capable à cerner les occasions d'affaires, les occasions, entre autres, de m'enrichir. Je bénis ma capacité de discernement. Je bénis ma lucidité. Je bénis ma puissance de volonté à être pleinement moi-même. Je bénis ma capacité à générer un état de bien-être psychique. Je bénis ma capacité de compréhension, ma capacité d'apprentissage, ma capacité à être disponible, à bénéficier de l'intelligence qui provient des réalités parallèles qui se rapportent à ma personne. Et en terminant, je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit grandissante avec le temps.